المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا في كتاب قواعد المثلة في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. Donc on va continuer inchallah notre étude sur le livre les règles exemplaires concernant les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans le fasl concernant des règles liées au texte. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, l'auteur nous a enseigné des règles liées au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a étudié un fasl concernant les règles liées aux attributs divins, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, dans ce fasl, nous mentionne des règles concernant les textes, concernant les preuves, ce qu'on appelle al-adillatu, adillatu al-asma'i wa sifat, les preuves liées aux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comprenez bien ça, c'est très important, que là l'auteur énumère des règles concernant les textes, les preuves, concernant justement adillat al-asma wa sifat. On a terminé l'étude dans la dernière assise de la première règle qu'a énoncé l'auteur concernant al-adilla. L'auteur ensuite dit al-qa'idatu thaniya. Il commence à mentionner maintenant une deuxième règle concernant al-adilla. قال القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. Et donc l'auteur commence dans cette première partie, on lit déjà la première partie, l'introduction de cette règle. Dans cette règle, l'auteur va nous apprendre une base fondamentale et essentielle pour maîtriser et bien comprendre le sujet. Cette règle-là est très importante. Il dit l'obligation concernant les textes du Coran et de la tradition prophétique, c'est-à-dire les textes sacrés du Coran et de la Sunna, ijra'uha ala zahiriha. Les comprendre selon le sens apparent. Ijrahuha ala zahiriha. Donc les prendre selon et les comprendre selon le sens apparent. Duna tahrifin. Sans falsification. Et on verra plus en détail dans l'explication, dans ce qui va suivre. La siyam anusus as-sifat. Il dit surtout les textes. Je vous traduis littéralement d'attributs. Les textes d'attributs. حَيْثُ لَا مَجَالَ لِرَأِي فِيهَا. De sorte qu'il dit, il n'y a pas de place pour l'opinion dans ce sujet-là. Et donc, on va bien comprendre. Ça, c'est le début, on va dire, en quelque sorte, une sorte d'introduction à la règle. Et celle-ci est très importante. Dans la fin de la règle précédente, l'auteur, dans son commentaire, a répondu à certaines questions. On avait commencé à énumérer certaines questions importantes. Et parmi les questions ensuite qu'il pose, à la fin de son commentaire de la première règle liée au texte des attributs, puisque dans la première règle, concernant les textes, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que le croyant, il affirme ce qu'Allah Azzawajal s'est affirmé pour lui-même. Comme nom et attribut. Est-ce que son envoyé a affirmé aussi pour son créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et on nie comme attribut ce qu'Allah azza wa jal s'est nié pour lui-même. Est-ce que son envoyé a nié pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc l'auteur, ensuite, il dit « ذَكَرْنَا فِي الْقَوَاعِدِ » Donc ça c'est dans la fin du commentaire de la première règle. Et ça va nous aider ensuite à bien aborder, à bien comprendre la deuxième règle qui suit. Donc, pour bien comprendre la deuxième règle, dans la première règle, qu'est-ce qu'on avait appris ? On avait appris que le croyant, lui, dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on est dans le domaine de la description du Créateur, de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla nous a informé à son sujet. Et nous a informé qu'il est détenteur d'attributs, subhanahu wa ta'ala. Il est détenteur des plus beaux noms et des attributs de perfection. Pourquoi ? Puisqu'on a dit que chaque nom induit un attribut, voire des attributs. Et donc de ce fait, nous en ce qui concerne les attributs, nous affirmons ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même, ou ce que son messager, son envoyé, a affirmé pour le Créateur. Ou bien nous nions ce qu'Allah Azza wa Jal s'est nié, ou a nié pour lui-même, et ce que son envoyé a nié aussi. فقال ذكرنا في القواعد التي مضت بأن العقل ليس له مجال في أن يثبت صفة من صفات الله وفي سياق الاستدلال سقنا الآيات ثم استدللنا بالعقل فما مجال العقل هنا مع الأدلة. Et donc on comprend bien que la source c'est le Coran ou la Sunna. Sauf qu'on a vu que dans la première règle, l'auteur, lorsqu'il a évoqué les preuves concernant cela, que le croyant doit affirmer ce qu'Allah Azza wa Jalla s'est affirmé pour lui-même ou bien ce que son envoyé a affirmé, il a dit que aussi bien les preuves et les textes scripturaires, c'est-à-dire textuels, l'indiquent, aussi bien les preuves rationnelles indiquent cela. Vous en rappelez, hein? Vous en rappelez que l'auteur, dans la première règle concernant les textes de ce fasl, il a ensuite, après nous avoir enseigné la règle, il a dit, ce qui indique cette règle qui nous a enseigné, la première règle, c'est aussi bien indiqué dans les preuves scripturaires, c'est-à-dire les textes sacrés, al-adillat al-sam'iyya, les preuves textuelles, aussi bien c'est indiqué aussi par la raison, les preuves rationnelles. Or, il dit, pour bien comprendre ici, pour bien maîtriser le sujet, il dit, on avait dit, dans cette question, par laquelle il a conclu l'explication de la première règle, il dit, on avait dit que dans ce domaine-là, il n'y a pas de place à la raison humaine. Il dit, on avait appris précédemment que dans ce domaine-là, il n'y a pas de place à la raison humaine. C'est-à-dire, quel domaine ? Dans le fait d'affirmer des attributs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ithbat sifa min sifatillahi azza wa jal. Dans le domaine de l'affirmation d'attributs pour le Créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, on avait appris précédemment qu'il n'y avait pas de place à la raison. Alors il dit pourquoi, lorsque on a mentionné les preuves textuelles, ensuite on a aussi mentionné, on a déduit par des preuves rationnelles. Par des preuves rationnelles, c'est-à-dire liées à la raison humaine. Al-Jawab. Il dit la réponse pour bien comprendre. الجواب. Est-ce que vous avez tous compris la question ? نعم. الجواب. العقل هنا يؤيد الآيات ويثبتها زيادة. أما أن نحكم على الله عز وجل بعقولنا فإذا وصف الله نفسه بشيء وعقلنا لا يقبله قلنا إنه مردود وهذا لا يمكن. وهذا لا يمكن. فكل الأدلة العقلية التي نستدل بها على الصفة مثلا فإنها مؤيدة بالأدلة السمعية بالأدلة السمعية. Regardez ce qu'il dit. Donc il nous explique qu'en fait, dans ce cas-là, lorsque l'auteur mentionne des preuves rationnelles qui indiquent ce qu'il a avancé comme enseignement dans la règle, de sorte qu'il dit, à ce moment bien précis, al-aqluhuna, la raison humaine, appuie, yu'ayyidul ayat, appuie les versets, les preuves qu'il a citées précédemment, wa yuthabbituha ziyadatan. Et donc, il y a un rajout de confirmation, c'est-à-dire que la raison confirme ce qu'il a enseigné précédemment. C'est dans ce sens-là que la raison humaine vient confirmer vient confirmer l'enseignement qu'il a mentionné précédemment. Cet enseignement-là, il l'appuie avec les textes scripturaires, les preuves textuelles, et ensuite il rapporte des arguments rationnels qui viennent appuyer ce qu'il a précisé précédemment. Et donc ici, al-aqlu, donc on voit que la raison humaine vient confirmer ce qui a été cité précédemment. Pas du fait que on va apporter des jugements au sujet du Créateur par notre raison. Nahkum an Allahi bi'uqulina. On ne peut pas, par notre simple raison, pouvoir informer au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par notre simple raison. On ne peut pas décrire le Créateur comme bon nous semble par notre simple raison. فَإِذَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ. Alors, de sorte que si Allah Azza wa Jal s'est décrit d'une manière, par une chose, et que notre raison n'arrive pas à concevoir cette chose-là. Maintenant, dans le cas où Allah Azza wa Jal se décrit, nous informe à son sujet par une chose, or que notre raison n'arrive pas à concevoir. Alors, ici, notre raison dira, je ne peux pas accepter cette chose parce que je n'arrive pas à concevoir cette chose. Et dit, ça, ce n'est pas possible. Dans ce domaine-là, le croyant ne peut pas renier un enseignement d'Allah Azza wa Jal parce que sa raison ne conçoit pas cette chose. فَكُلُّ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّ الَّتِي نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى صِفَةِ مَثَلًا فَإِنَّهَا مُؤَيَّدَةٌ بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ. Mais en fait, en réalité, il dit, toutes les preuves textuelles qu'on a rapportées sont appuyées par la raison et sont confirmées par la raison. فَنْقَالَ قَائِلَ. À ce moment-là, l'auteur pose une question légitime en disant, si maintenant une personne se pose la question et dit, فَلِمَادَ لَا نَتْرُكْ هَذَا حَتَّى لَا نَتَشَبَّ بِالَّذِينَ أَثْبَتُوا الصِّفَةَ بِالْعَقْلِ. Alors il dit, si une personne pose la question et dit, mais pourquoi alors on n'a pas délaissé la déduction par l'argument rationnel? Parce que sinon, une personne pourrait ici dire que ça ressemble, le fait de déduire par des arguments rationnels, ça ressemble à ceux qui ont affirmé des attributs par la raison. À ceux qui ont affirmé des attributs par le biais de la raison. Alors pourquoi ne délaissons pas la déduction par les arguments rationnels? C'est la question que pose Shir si une personne posait cette question. Il dit, al-jawab, la réponse non. On ne peut pas délaisser la déduction ici par les arguments rationnels. La natruku hada li annahum yaqulun inna al-aql la yadullu alayha. Wa ba'dhum yaqul inna al-aql yanfiha. Il dit, on ne peut pas délaisser la déduction par les arguments rationnels. Pourquoi? Parce que justement, il dit, certains justement se servent de la raison pour nier des attributs. Pour nier, par exemple, des attributs. Donc, certains, par cela, ils vont dire, al-aql la yadullu alayha. Par exemple, la raison n'indique pas cela. Et donc, de ce fait, par le biais de la raison, ils peuvent nier des attributs du Créateur. Inna al-aql yanfiha. Fala budda an naqul inna kalamak hadha ghayru sahih. Et donc, de ce fait, il dit, nous devons soutenir le fait que cette déduction ou cette parole-là n'est pas authentique. Donc le fait de maîtriser cette question-là. Masalatun. Taïb. Ensuite, l'auteur, à la fin de la première, il continue toujours à évoquer certaines questions. jusqu'à ce qu'il mentionne la deuxième règle qu'on a commencé à lire. Donc dans la deuxième règle, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, si on a bien compris la première règle, on apprend dans cette deuxième règle, ces règles justement liées au texte, concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, on apprend que les textes, puisque vous allez voir, il y a des versets, il y a des textes dans les textes sacrés qui sont considérés comme, par exemple, dans le Coran, Ayat al-Sifat. Ce sont des versets, par exemple, qui sont liés aux attributs. Littéralement, on les traduit par les versets d'attributs. Les versets d'attributs. Et donc, la règle dit que les textes du Coran et de la Sunna liés aux attributs doivent être pris selon leur compris, selon leur apparence. Donc, sans les altérer. Sans les altérer. C'est-à-dire que l'opinion personnelle, l'auteur dit littéralement, n'a pas de place dans ce domaine-là. Qala al-Musannif. Il cite au départ, au début de cette deuxième règle, il cite al-Wajibu. Donc littéralement, ce qui incombe, ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire concernant les textes du Coran et de la Sunna, ijra'uha 'ala zahiriha duna tahrif. Plus littéralement, ce que l'auteur va dire, plus littéralement, au début de la phrase, il y a une sorte de généralité, ensuite il y a une spécificité. Au début de la phrase, il dit, il est une obligation concernant les textes du Coran et de la tradition, de la Sunna, de les comprendre ou de les prendre selon leur apparence. Littéralement, sans falsification. Et il dit surtout, les textes d'attributs, où il n'y a pas de place à l'opinion personnelle. Les textes, les attributs. Donc vous avez vu, au début, il y a une sorte de généralité. Ensuite, il y a une spécificité aux textes d'attributs. L'auteur dit dans le commentaire, « Qalu al-wajibu » Donc il stipule bien au départ l'obligation. Yarni, il dit, lorsqu'il dit « l'obligation est de prendre les textes, d'aborder les textes du Coran et de la Sunna selon leur apparence. » C'est la traduction de « ala zahiriha ». Il dit cette obligation-là incombe à toute la communauté, à toute la nation. « Wala siyama al-ulama minhum » Et il dit, et surtout plus en particulier, aux érudits parmi eux, aux savants parmi eux. Donc il commence cette règle en disant « il est une obligation, il incombe », c'est-à-dire à la nation, aux musulmans et musulmanes. Et dans les commentaires, il stipule bien « et surtout, plus en particulier, al ulama, les érudits parmi eux. »« Idara nusus al-kitab wa sunna ala zahiriha » Aborder les textes du Coran et de la sunna selon leur apparence. والظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق. C'est quoi الظاهر? Lorsqu'on dit selon leur apparence, c'est-à-dire c'est le sens absolu qui apparaît à la première lecture ou au premier dire. الظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق. Donc lorsque c'est dit d'une manière absolue, la première chose qui est comprise, كما سيأتي في الأدلة لا سيما نصوص الصفات. Mais il dit cela sera plus développé dans ce qui viendra lorsqu'il parlera des textes d'attributs. لأن النصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول هذا لا يراد به ظاهره. Pourquoi? Parce que comme on le verra, il dit surtout pour les textes d'attributs. Pourquoi les textes d'attributs? Plus particulièrement, on doit les prendre selon l'apparence du texte, c'est-à-dire selon le sens apparent. Pourquoi? Parce que les textes d'attributs font partie des choses de l'invisible. Font partie de la science de l'inconnu et de l'invisible. que seul le savoir, Allah en est le détenteur. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ça c'est très important. Regardez ce qu'il dit. Les annan nusus as-sifat min al-umur al-ghaybiyya. Les textes liés aux attributs d'Allah Azza wa Jal, glorifié soit-il, les textes et les attributs, ça fait partie des choses de l'ghaib. Qu'est-ce que l'ghaib? C'est les choses qui nous sont invisibles. Donc, comme on avait déjà explicité dans des assises précédentes, si Allah Azza wa Jal nous avait pas informé à son sujet de ses noms sublimes, de ses attributs, comment est-ce qu'on aurait pu en avoir la connaissance? Et une science certaine de ses attributs. Allah Azza wa Jal s'est décrit dans son livre et nous a informé à son sujet. Si Allah Azza wa Jal ne nous avait pas informé à son sujet, on n'aurait pas pu deviner ou raisonner ces choses-là. C'est ça le sens lorsqu'il est dit, on se limite au texte. De sorte, il n'y a pas de place à la raison humaine du fait qu'on n'aurait pas pu inventer. On ne peut pas spéculer au sujet de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense que ça c'est assimilé et c'est clair. Donc de ce fait, les textes, et ça comprenez-le bien, c'est très important, c'est de là où naît un débat entre les partisans de la sunna du prophète ensemble et les doctrines plus tard qui ont émergé dans le monde musulman. Que ce soit des gens qui ont affirmé d'une manière exagérée en faisant ressembler le créateur aux créatures, ou bien ceux qui ont nié catégoriquement les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ceux qui ont eu recours à l'interprétation. Du fait qu'ici, qu'est-ce qu'on apprend? L'auteur nous apprend quelque chose de fondamental, que les textes d'attributs font partie de al-umur al-ghaybiyya, de la science et en quelque sorte de l'inconnaissable. Ça fait partie de l'inconnaissable. Allati laysa lil'aqli fiha majal. De sorte que la raison humaine, comme c'est quelque chose qui rentre dans la science de l'inconnaissable, la science de l'invisible que seul Allah Azza wa Jalla est le détenteur, de sorte que la raison humaine, il n'y a pas de place à elle dans ce domaine-là, ou pour elle, dans ce domaine-là. حتى يتحكم ويقول هذا يراد به ظاهره هذا لا يراد به ظاهره jusqu'à ce qu'ensuite la personne lui devance et dit non, le sens apparent du texte c'est pas ce qui est voulu à travers le texte. Regardez par exemple, on a un texte d'attribut où Allah Azza wa Jalla nous informe à son sujet il y a la mention d'un attribut. Les savants vont appeler le texte Minnososi as-sifat. Ça va être par exemple, si c'est un verset où il y a la mention d'un attribut d'Allah Azza wa Jal, ce verset-là est considéré comme un verset d'attribut. Ce verset d'attribut, la règle chez les gens de la Sunna, c'est de le comprendre, de l'aborder comme selon son apparence. Celui qui, par exemple, veut raisonner en disant non, le voulu du verset, ce n'est pas le sens apparent, ce n'est pas le sens qui apparaît, mais c'est autre chose. Quelle est la connaissance qu'il détient pour dire que le sens voulu et apparent du texte, c'est autre chose qui est voulu, puisque ça rentre dans le domaine de l'inconnaissable, puisque là on est dans un verset qui parle du créateur, où Allah Azza wa Jal nous informe à son sujet. Donc la règle chez les gens de la sunna, c'est de le prendre selon son apparence. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne peut pas le falsifier. On ne peut pas altérer le sens. Et donc, de ce fait, c'est pour cela que les savants qadiman, anciens et contemporains, les grands savants musulmans, lorsqu'il y a un texte, ils sont face à un texte d'attribut, ce qu'on appelle nusus as-sifat, ils n'ont pas recours à l'interprétation. Vous comprenez pourquoi? Ils n'ont pas recours et ne permettent pas l'interprétation. Pourquoi? Parce que comme c'est un texte d'attribut, il doit être compris selon le sens apparent. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit précédemment, c'est un texte qui rentre dans la science de l'inconnaissable, de l'invisible pour nous. Donc il dit, donc on ne peut pas par opinion personnelle se dire non, le sens apparent du verset, ce n'est pas ça qui est voulu. On ne peut pas dire pourquoi, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, dont on n'a aucune connaissance. فَنَحْنُ نُسَلِّمْ لِهَذِهِ النُّصُوصِ وَنُجْرِيهَا عَلَى ظَاهِرِهَا مَعَ اَعْتِقَادِ أَنَّ ظَاهِرَهَا لَا يُرَادُ بِهِ الْبَاطِلِ. Et donc c'est pour cela qu'il dit que ces textes-là, liés aux attributs d'Allah Azza wa Jal, on les aborde et les comprend et les prend selon leur apparence. Beaucoup appellent ça le sens littéral. Selon le sens littéral. Tout en sachant, il dit dans l'explication, tout en sachant, ma atiqadi, anna zahiraha la yuradu bihi al-batil, tout en sachant que le sens apparent la yuradu bihi batil, il n'est pas voulu à travers celui-ci quelque chose de faux. Littéralement dans la traduction d'explication de Sheikh. Qala ma'atiqadi anna zahiraha la yuradu bihi al-batilu. Avec le savoir que le sens apparent de ce texte, il n'est pas voulu à travers celui-ci quelque chose de faux. Falaw qala qa'ilun mathalan. Il va donner un exemple. إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تماثلان أيدي المخلوق هل هذا هو الظاهر؟ لا. Alors, il donne par exemple le verset où Allah Azza wa Jal fait référence aux mains. Fait référence aux mains. Et donc, le verset qu'il a cité, « Bel yadahu » ses mains. Donc, Allah Azza wa Jal ici fait référence aux mains. C'est ça, c'est par exemple le verset où il y a l'affirmation de l'attribut des mains. Et donc, comme on l'a pris dans la première règle, on a un verset où Allah Azza wa Jal nous affirme un attribut parmi ses attributs, en l'occurrence, attribut des mains. « Bel yadahu » Donc, on doit affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même. Ça, c'est la première règle qu'on a appris concernant les preuves. Donc là, par exemple, l'auteur nous cite à titre d'exemple. Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même Sifat al-Yad, l'attribut des mains. Le croyant ne peut que affirmer cela puisqu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé cela pour lui-même. Ça, c'est dans la première règle. Dans la deuxième règle, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ? Ce texte-là, ce verset-là, par exemple, c'est un verset d'attribut, puisqu'il y a la mention d'un attribut parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal. En l'occurrence ici, l'attribut des mains. Là, bel yadahu mabsutatan, il est dit, et ses deux mains. Là, comme c'est un texte d'attribut, les grands savants disent que on doit le prendre selon Vahiriha, selon le sens apparent et littéral. Et de ce fait, il est cité les deux mains. Donc, ici, on doit le prendre selon le sens apparent et le sens littéral. Si maintenant, une personne dit que le sens littéral du verset, c'est que ce sont deux mains qui sont semblables et comparables aux mains des créatures. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que c'est le sens apparent du verset? Non. C'est faux. La réponse est non. لَيْسَ هُوَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ. C'est pas ça le sens apparent. Le sens apparent, ça ne veut pas dire que les deux mains sont comparables aux mains des créatures. بل نفهم من قوله تعالى بل يداه اللائقة به كما لو قلنا للهر يدان هل أحد من الناس يقول إن الظاهر هذا اللفظ أن يد الهر كيد الإنسان لا. Donc ici, est-ce que le sens apparent, ça veut dire que les mains citées dans le verset sont comparables aux mains des créatures? Non. Ce n'est pas ça le sens littéral et le sens apparent. On comprend quoi, selon le sens apparent? On comprend qu'il y a l'affirmation de deux mains pour Allah, puisque c'est dit dans le verset « Bel yadahu » Il y a l'affirmation de deux mains dans le verset. Mais ce sont deux mains qu'ils conviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils conviennent à sa majesté. Comme il lui convient. En aucun cas, c'est comparable aux mains des créatures. Comme par exemple, il cite à titre d'exemple, il y a des animaux par exemple qui ont des pattes, qui ont des mains, ne sont pas semblables à celles des êtres humains. Même s'il y a participation dans le mot, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on l'emploie pour un animal, c'est forcément comparable à l'être humain. À l'être humain. Donc, ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. Donc ici, regardez la règle. Comprenez bien. Quel est le sens apparent alors? Lorsqu'on dit, on aborde, on le prend, le texte selon son sens apparent. C'est quoi le sens apparent? Le sens apparent, c'est le sens qui convient à Allah Azza wa Jal. Qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Comme il sied à Allah subhanahu wa ta'ala. La ala sabil al-tamthil. Et non, ala sabil al-tamthil. Et non du fait qu'il y ait un semblable ou un comparable au Créateur subhanahu wa ta'ala. Bel ala al-ma'na al-la'iq billahi subhanahu wa ta'ala. Donc le sens apparent, c'est le sens qui convient au Créateur subhanahu wa ta'ala. لأن هذه الصفات أضيفت إلى موصوفها. Pardon. Parce que ces attributs-là, ils ont été attribués à qui? Ils ont été attribués à celui à qui elles sont attribuées. En l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala. فيقتضي أن تكون لائقة به. Donc ça implique que ces attributs-là, qui lui sont attribués au Créateur, elles doivent être comme elles lui conviennent. Ou comme ses attributs lui conviennent. أنا أقول إذي مثلا أنا أقول أمسكت الكأس يده بيدي يده بيدي هل تفهم أن يد الكأس كيدي الجواب لا فيد الكأس عروته لكن يدي غير يد الكأس فتجد أن قولنا يده بيدي كلمة في جملة واحدة ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه فإذا يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا بل إن ظاهرها يد تليق به سبحانه وتعالى وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل. Dans un premier temps, l'auteur, pourquoi il nous enseigne cela? En disant que le sens apparent, c'est le sens qui convient à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, dans ce verset par exemple, il est fait allusion à l'attribut des mains. Quel est le sens? Ce sont des mains qui conviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que celles-ci sont comparables aux mains des créatures? Non, en aucun cas. Pourquoi il rappelle cela? Il dit c'est pour réfuter ceux qui pensent que l'apparence des textes, c'est de l'anthropomorphisme. Ceux qui pensent que l'apparence de An-Nusus, c'est de la comparaison. Pourquoi ? Parce que si vous, par exemple, vous répétez un verset et vous citez un verset, par exemple dans ce verset, « Bel yadahu mabsoutatan » il y a la mention des deux mains. Et lorsque, par exemple, vous citez ces versets-là, où il y a la mention des deux mains, comme elles conviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et, par exemple, le partisan de la doctrine de la négation te dira « Non, tu n'as pas droit d'affirmer pour Allah azza wa jal des mains. » Mais pourtant, c'est dit d'une manière apparente dans le texte. Il te dira « On ne peut pas affirmer cela parce que ça serait comparer le créateur à sa créature. » Et donc, faire de l'anthropomorphisme. Donc, ici, ça sous-entend quoi ? Que l'apparence des textes, c'est de l'anthropomorphisme. Ça serait sous-entendre que l'apparence des textes dans le Coran, c'est de l'anthropomorphisme. Si tu cites un verset où il y a la mention d'un attribut, on te dit non, tu ne peux pas affirmer cet attribut, alors que c'est affirmé dans le verset. Et donc, on te dit le sens apparent, ce n'est pas ça qui est voulu. Donc ça serait ça le sens. Le sens apparent, ce n'est pas ça qui serait voulu. Pourquoi ? Parce que le sens apparent, lorsqu'on le dit, sous-entend comparaison, qu'il y aura comparaison entre le créateur et la créature. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique que celui qui dit que le sens apparent, on ne peut pas l'affirmer, ce n'est pas ça qui est voulu, c'est qu'il considère que le sens apparent du Coran, c'est de l'anthropomorphisme. Puisque les partisans de l'affirmation des attributs d'Allah Azzawajal ne font que répéter les textes. Et si on te dit, tu ne peux pas prendre le texte selon son apparence, tu lui dis pourquoi ? Parce que si tu affirmes cela, tu compares le créateur à la créature, donc tu fais de l'anthropomorphisme. Donc, cette personne considère que l'apparence des textes, c'est de l'anthropomorphisme. Donc l'apparence du Coran, des textes d'attributs, c'est de l'anthropomorphisme. Regardez, c'est pour ça que l'auteur dit, c'est pour cela que dans un premier temps, il a clarifié le fait que lorsqu'on affirme l'attribut, ou on prend le sens apparent, pardon, du texte d'attribut, c'est le sens qu'il convient au créateur. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, il y a la mention des deux mains, c'est des mains qui conviennent à Allah Azza wa Jal. En aucun cas, elles sont comparables aux mains des créatures. Dans un premier temps, il nous rappelle cela. Pourquoi ? Il dit justement, pour répondre à ceux qui prétendraient que l'apparence des textes, c'est du temthil, c'est l'anthropomorphisme. En affirmant ce qui est affirmé d'une manière apparente dans les textes, c'est faire de l'anthropomorphisme. Ce qui est totalement faux. Qala. Et de ce fait, en ayant pensé que les attributs qui sont mentionnés dans le Coran, les affirmer, ça serait comparer le créateur aux créatures, de ce fait, cette conviction-là les a menés ensuite à nier ce qui est rapporté dans les textes sacrés, dans le Coran et la Sunna. وَعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامِ قَدْ يَكُونَ نَصًّا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلِ وَقَدْ يَكُونَ ظَاهِرًا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا مَرْجُوحًا وَقَدْ يَكُونَ مُحْتَمِلًا لِلْوَجْهَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. Et là l'auteur va commencer à nous expliquer maintenant. Chose de très important. Est-ce que cette première règle là vous comprenez ? Enfin cette première règle, ce qu'on est en train d'apprendre ici c'est très important. C'est que les textes, dans le Coran, il y a des versets que les savants appellent versets d'attribut. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la mention d'un attribut, les savants considèrent que c'est un verset d'attribut. Si c'est un verset d'attribut, la règle, tout simplement pour résumer, c'est qu'il faut le prendre selon son sens apparent. On n'a pas recours là à de l'interprétation. Pourquoi ? Parce qu'on a les textes d'attribut, ce sont... font partie plutôt de Al-Umur al-Ghaybiyya, de la science de l'inconnaissable, la science de l'invisible pour nous. Donc, on ne peut pas dire le sens voulu Le sens apparent voulu n'est pas tel et tel sens, puisqu'on n'en a pas la connaissance. Donc, on ne peut que accepter le sens apparent. Vous comprenez pourquoi les savants, par exemple, n'ont pas interprété. Par exemple, lorsqu'il est dit qu'Allah Azza wa Jal descend au premier ciel au dernier tiers de la nuit, vous comprenez pourquoi ils disent, là, on a l'affirmation de Sifatun Nuzul, l'attribut de la descente. Pourquoi? Puisque là, c'est un texte, pour les savants, ils considèrent que c'est un texte d'attribut. On ne peut pas interpréter ou falsifier le sens de Al-Nuzul. Pourquoi? Parce que comme on est dans un texte d'attribut, on est dans Umul al-Ghaybiyya, dans la science de l'invisible. On ne peut pas dire non, ce qui est voulu, ce n'est pas le sens apparent. Puisqu'en fait, on n'en a pas la connaissance. Donc, c'est pour ça qu'il dit Al-Wajibu, l'obligation, c'est de prendre le texte selon le sens apparent et littéral. Et littéral. Bien sûr, les doctrines qui ont eu recours à la spéculation, à la négation des attributs, ou bien à l'interprétation, n'ont pas pris le sens apparent. Justement, pour eux, ce n'est pas le sens apparent qu'il faille comprendre. Et là est la divergence. Là est la divergence entre le sunnati wal jama'a et les doctrines plus tard qui ont émergé dans soit l'interprétation, soit la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer cette assise, et on commencera l'assise prochaine, inchallah, sur ça, maintenant l'auteur nous définit en 100 différentes catégories de textes. De textes, regardez. Il dit, pour cela sache, an al-kalam, la parole, il y a parfois un texte qui suppose l'interprétation. Parfois il y a un texte qui suppose l'interprétation. Parfois un texte qui ne suppose pas l'interprétation. Et pour ça, il dit, il va citer différentes catégories, il va citer trois catégories. Trois catégories. Il dit, Al-Qism al-Awwal, ma la yahtamil ta'wil. Première catégorie de texte, un texte, par exemple, une parole qui suppose en aucun cas d'interprétation. Ne suppose pas l'interprétation. بمعنى أنه يكون نصا في الموضوع. Du fait que c'est un texte dans le sujet. Et le texte, il est clair. Donc ici, il ne convient pas à l'interprétation. Hein? L'interprétation. طيب. قال والنصية ليست لذات اللفظ ولكن لللفظ ولما يحيط به من القرائن. فقد تكون الكلمة نصا في السياق وتكون في سياق آخر ليست نصا فهي حسب السياق والقرائن والقسم الثاني قال ما يكون الكلام محتملا لمعنيين أحدهما أرجح فالواجب الأخذ بالراجح والقسم الثالث ما يكون محتملا لمعنيين بدون ترجيح فالواجب التوقف لأنه ليس هناك ترجيح والكلام محتمل ولا يجوز أن نحمل الكلام على أحد محمله دون الدليل على أحد محمليه دون الدليل فيجب علينا أن نأخذ بظاهر الكلام في القسم الأول وهو النص وفي الثاني وهو الظاهر ولا يجوز العدول عن ذلك ولهذا أدلة سمعية عقلية. Donc pour terminer, et on continuera dans le détail de ça la prochaine fois, tout simplement il dit donc il y a trois sortes de textes. Un premier texte qui ne suppose pas, il n'y a pas de place à l'interprétation en fait. Première catégorie, c'est ce dont on n'a pas besoin d'interprétation. Il n'y a pas de place pour l'interprétation. Et celle-ci n'est pas supposée. Al-Qism al-Thani, la deuxième catégorie de texte, c'est lorsqu'il suppose deux sens différemment. Dans le premier cas, suppose pas. Là, il y a deux sens supposés. Donc on peut avoir un texte, effectivement, où on peut le comprendre de deux sens. peut supposer que le texte veut dire telle chose, comme peut supposer que le texte veut dire telle chose. Donc il y a deux sens supposés. Sauf qu'il y a un sens, ce qu'il faut comprendre ici, il y a un sens, c'est l'arjah, et l'autre c'est le marjouh. Est-ce que vous comprenez lorsqu'on dit qu'il y en a un, il est arjah, et l'autre il est marjouh? Al-arjah, c'est le sens le plus plausible. Ou al-marjouh, c'est le moins plausible. Al-arjah, c'est le sens le plus juste, le plus plausible. Ou al-marjouh, c'est le moins plausible, le moins juste. Donc il dit, lorsqu'on est face à un texte qui peut supposer deux sens, un premier sens comme un deuxième sens, si l'un d'entre eux est le plus clair, le plus plausible, et il y en a, et le deuxième, c'est le moins plausible, le moins vraisemblable, dans ce cas-là, il dit, on prend al-kalam mahtamil, on prend le sens plus vraisemblable. On prend le phrase. Wala yajuz an-nahmil al-kalam ala ahad. Ou plutôt il dit ma yakun al-kalam muhtamilan ma'nayan ahaduma arjah falwajib al-akhd bi ar-rajih. Donc ici l'obligation c'est de prendre dans cet exemple de texte où qu'il y a un sens qui serait le plus vraisemblable et un autre non vraisemblable, dans ce cas-là, on prend l'avis vraisemblable. Le sens vraisemblable. Et troisième catégorie, c'est que là, le texte peut supposer deux sens, sauf qu'on n'a pas un sens plus vraisemblable que l'autre. Sauf que là, on n'a pas un sens plus vraisemblable que l'autre dans la troisième catégorie. Donc on ne peut pas. Quand on dit on a un sens vraisemblable et l'autre, un plus plausible et l'autre pas plausible, c'est comme dans une question. Est-ce que c'est premier avis ou deuxième avis? On vit, par exemple, al-arjah, l'avis le plus juste et le plus plausible, c'est le premier avis, par exemple. Et le deuxième avis, on dit qu'il n'est pas le plus plausible, plus proche de la vérité, on dit qu'il est marjouh. Il est marjouh, invraisemblable, traduction relative. Là, si maintenant, dans la troisième catégorie de texte, on a deux sens supposés, mais différemment du deuxième cas, de la deuxième catégorie, ces deux sens supposés, parmi ces deux sens, il n'y en a pas un qui est plus vraisemblable que l'autre. On ne peut pas dire que tel sens est plus plausible que l'autre. On ne sait pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faille faire? Dans ce cas-là, il dit « Al-wajibu at-tawakuf » « S'abstenir ».« Al-wajibu at-tawakuf » « S'abstenir » Il dit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de « tarjih ». C'est quoi « tarjih » C'est de savoir quel est le sens le plus plausible. On ne peut pas. On ne peut pas savoir. Différemment de la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, il y a deux sens supposés, mais on sait quel est le sens le plus plausible et le plus vraisemblable. Dans cette troisième catégorie, il y a effectivement deux sens supposés, sauf qu'il n'y en a pas un qui l'emporterait sur l'autre dans le sens qu'il n'y en a pas un qui est plus plausible que l'autre. On ne sait pas. Donc là, la règle dit, on s'abstient. On s'abstient. Comme a dit. Et il n'est pas permis de prendre l'un des deux sens supposés par rapport à l'autre. Et là, dans ce cas-là, il n'est pas permis de prendre l'un des deux sens supposés par rapport à l'autre. Duna dalil, sans qu'il y ait une preuve. C'est-à-dire une preuve qui prouve que tel sens, c'est le sens effectivement le plus vraisemblable. فيجب علينا أن نأخذ بظاهر الكلام في القسم الأول وهو النص وفي الثاني وهو الظاهر ولا يجوز العدول عن ذلك ولهذا أدلة سمعية عقلية. C'est pour ça qu'il dit que dans les deux premières catégories, on prend, il dit en fait dans les deux premières catégories, on doit prendre l'apparence du texte. On va détailler cela dans la prochaine assise, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin.